Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la prison de Parchment Farm au Mississippi, dernier vestige de l'esclavagisme aux États-Unis. The prisoners were housed in these large barracks that were completely run down, filthy, 100 to 120 in one room. Plus de 100 ou 120 prisonniers par pièce dans des baraques complètement pourries, c'est cette réalité que découvre l'avocat Roy Haber quand il arrive à la prison de Parchment Farm au tournant des années 1970. Roy Haber, c'est l'avocat américain qui va réussir à mettre fin, avec la célèbre cause Gates contre Collier, au système de ségrégation et de violence raciale qui existe dans cette prison de Parchment Farm depuis son ouverture au début du 20e siècle. So there's something culturally about Parchment Farm. Dans l'esprit de bien des Américains, la prison de Parchment Farm tient une place particulière. À mon avis, c'est parce qu'elle est située dans le delta du Mississippi. Pour bien des gens, le Mississippi est la région la plus sinistre du sud des États-Unis, connue pour sa violence raciale extrême, l'État qui s'est le plus difficilement intégré à l'Union. Dans notre esprit, le Mississippi est l'incarnation même du racisme du Sud et de la brutalité du Sud envers les Afro-Américains. Parchment Farm s'inscrit parfaitement dans cet ordre d'idées. L'historien américain David Oshinsky, extrait d'un balado sur l'histoire des États-Unis produit en 2017 par le Washington Post, ça s'appelle Constitutional, si ça vous intéresse, pour nous raconter l'incroyable et l'effroyable histoire de la prison de Parchment Farm au Mississippi. Je reçois Francis Landois, qui est professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, spécialiste des questions de violence aux États-Unis. Francis Landois, bonjour. Bonjour, Jacques. Revenons sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Francis, qu'est-ce que ça représente? Cette prison-là, la prison de Parchment Farm, dans cette histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis? Bien, en fait, ça s'inscrit dans la continuité de l'esclavage qui avait lieu au 19e siècle. C'est-à-dire que, bon, effectivement, la guerre civile a mis fin à l'esclavage, mais éventuellement, les Blancs veulent remettre les anciens esclaves à leur place. On met en place différentes lois. Éventuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une prison dans laquelle on recrée littéralement l'esclavage, mais sans la nommer. Oui. Mais les esclaves, au lieu de travailler pour des propriétaires terriens, travaillent pour l'État. Donc, c'est littéralement... À faire la même chose, absolument. Dans des plantations de coton. De coton et de fer. Ce sera ça, à Parchment Farm. Oui, puis il y en a à quelques endroits dans le sud, mais de Parchment est très particulière. Avec un système qui, là encore, rappelle ces grandes exploitations où il y avait des esclaves, c'est-à-dire un système hiérarchique, l'utilisation du fouet, tout ce que c'était, ce système-là. Puis avec l'aval de l'État, c'est ça qui est fascinant. Il y a eu les fameuses lois Jim Crow, mais on est là-dedans. C'est un exemple, Parchment Farm, de ségrégation systémique et endossée par l'État. Endossée par l'État et tellement bien endossée que la résidence du directeur ressemblait à une de ces grandes maisons de planteurs qu'on construisait au 19e siècle. On a refait la même chose, donc le symbole est là. Ce qui est encore plus fou quand on s'intéresse à cette histoire-là, c'est que ça se termine en 1974. C'est incroyable. C'est incroyable que ça se soit rendu jusque-là. Et ce que ça dit, c'est que s'il y a ça, on peut imaginer le contexte général au Mississippi, où est-ce qu'on a beaucoup résisté au mouvement des droits civiques. L'État et la population résistaient littéralement à l'obtention de nouveaux droits par les Afro-Américains. Ouais. Alors, attaquons-nous à l'histoire depuis ses tout débuts, en fait. Quand est-ce qu'elle est créée, cette prison-là, et dans quel contexte, Francis Landois? La prison, on débute sa construction au début du 20e siècle. Mais il faut comprendre que ceci s'inscrit dans un contexte plus large. Donc, c'est-à-dire qu'après la guerre civile, on passe une série de lois qu'on appelle les lois de Jim Crow. Hein, donc, l'idée, c'est d'encadrer la vie des Afro-Américains ou des anciens esclaves et littéralement de les remettre dans une position de subordonnés. Et un petit moyen-là, c'est de les mettre en prison, donc leur donner des amendes impayables ou encore des sentences pour des mini-larcins ou simplement pour avoir marché la nuit sans avoir de papier sur soi, bien, on les met en prison. Et là, graduellement, en fait, très rapidement, plutôt, la population carcérale augmente et on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on se met littéralement à louer des prisonniers d'État à des entrepreneurs. Donc, mais là, je ne parle pas de petits entrepreneurs, je parle de compagnies de chemin de fer, les compagnies qui creusaient les digues pour orienter le Mississippi et d'autres grands projets comme ça. On les envoyait même dans les mines. Les taux de mortalité étaient épouvantables parce que personne n'avait vraiment intérêt à les garder dans de bonnes conditions. Donc, l'État recevait, en fait, chargeait à environ 1 2 par prisonnier et des sous-contractants louaient les prisonniers à des entrepreneurs pour 10, 9 $ Donc, ouais, il faut évidemment empocher la différence. Donc, un bassin de main-d'œuvre à très, très bon marché, fourni par l'État, par ces prisonniers qui croupissent dans les prisons de l'État. Puis, une façon pour l'État de payer ce système carcéral-là sans débourser un seul sou. Sans que ça coûte absolument rien et on peut maintenir dans un état d'infériorité, ouais, donc tous les anciens esclaves. Une chose est sûre, la population blanche n'est pas vraiment contente de ce système-là. À la longue, les gens au tournant du 20e siècle se révoltent, si on veut. Des fois, on appelle ça des hillbillies revolt ou encore des woodpecker revolt. Mais bref, une chose est sûre, les gens sont contre ça parce que, non pas en termes humanitaires, quoique évidemment, il y en a des gens qui s'attaquent à l'aspect cruel de, ce, ouais, de ces traitements-là, mais c'est vraiment parce qu'on sent que la population blanche sent qu'elle est en compétition avec des travailleurs qui ne sont pas payés. Ouais. Et donc, et qui leur volent des jobs. Leur volent des emplois, effectivement, absolument. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, certains politiciens vont surfer sur cette vague-là. Et au début du 20e siècle, ben c'est fait, on va créer cette prison-là, ouais, pour mettre les anciens esclaves. Là. Et l'un des politiciens qui va surfer sur ce débat-là, cette question-là, c'est James Vardaman. Il va même carrément, c'est lui donc l'homme qui sera derrière la création de Parchment Farm, il va même faire campagne électorale sur ce thème-là. Littéralement. Donc, ouais, il va dire, je vais ouvrir ça, je vais sauver des emplois, on va les faire travailler, donc ils vont rembourser eux-mêmes leur peine, on va protéger les familles blanches de potentiels agresseurs noirs. Donc, littéralement, là, des pancartes qui disent ça. Et oui, donc, il va faire ça, il va lancer ce projet-là, parce que pour lui, qui est un fils de confédéré, qui a été journaliste, bon, il a fait différentes choses, bien, pour lui, la plantation, c'est l'environnement, en guillemets, naturel, donc, des Afro-Américains. Donc, on va les remettre à leur place, et en plus, l'État va faire de l'argent sur leur dos. Donc, on va leur faire cueillir du coton, des fèves, ces choses-là. Il a une idée assez précise de ce qu'il veut faire, de ce que ce sera, cette prison de Parchment Farm? Absolument. Donc, oui, son projet, on dirait qu'il le réfléchit. Il en a parlé dans certains de ses éditoriaux. Donc, oui, effectivement, il y a pensé. Et, bon, évidemment, avec l'aide d'autres gens, ils ont acheté des terres. En 1901, c'est fait. Ils ont les terres. En 1904, les premiers bâtiments, ouais, sont terminés. Ils ont été construits par des détenus. Donc, ça n'a rien coûté. Ouais. Et dès la première année, la prison fait un profit de 185 000 $ C'est énorme pour les parents. Ouais. Parchment, parce que c'est à la famille Parchment qu'on achète les fameuses terres sur lesquelles sont construites cette prison. C'est un peu le cas dans les plantations à l'époque de l'esclavagisme, mais il y a une importance très, très grande à l'échelle hiérarchique, mm-hmm, à la prison de Parchment Farm. La notion de hiérarchie est vraiment centrale au fonctionnement de la prison, qui se retrouve à la tête de l'institution. Donc, à la tête, on nomme un directeur. Le directeur, bon, évidemment, est blanc, mais le directeur n'est pas là pour réformer les prisonniers. Il est là pour gérer une plantation. Donc, on cherche quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine de l'agriculture plutôt qu'un homme qui a de l'expérience, disons, au niveau humain, si on veut. Aucune notion de criminologie, de réhabilitation. Zéro. Le profit, c'est tout ce qui compte, en fait. Absolument. Donc, l'idée, c'est de rentabiliser le plus possible la prison. Ouais. Ensuite, sous cet homme-là, il y a une série de sergents ou de ce qu'on pourrait appeler des superviseurs qui sont aussi des hommes libres, évidemment tous blancs. Ces emplois-là ne sont pas particulièrement bien payés. Par contre, le logement est fourni, les servants sont fournis, la nourriture est fournie, etc., etc. Donc, et en plus, ce qu'on dit, c'est que c'est pratiquement un emploi héréditaire, donc ça se donne de père en fils, ou presque. Là. Ouais. Et donc, ces gens-là s'occupent aussi, non seulement de la sécurité, mais de la production. Donc, ils sont là pour s'assurer que la plantation fonctionne, ouais, et qu'elle soit sécuritaire, évidemment. Et si on continue de descendre dans cette pyramide du pouvoir, là, on arrive à un niveau qui est très intéressant. D'abord parce qu'il est central dans le fonctionnement de la prison de Parchment Farm, mais aussi parce qu'il touche des détenus. Il y a certains détenus qui deviennent des super gardiens de prison, on les appelle les trustees, mm-hmm, et qui sont vraiment au cœur du fonctionnement. Ils ont un pouvoir énorme. D'abord, qui sont ces détenus qui deviennent des trustees? Pourquoi on choisit ces gars-là? Et quel est leur pouvoir? Donc, les superviseurs, les sergents, c'est eux qui choisissent les trustees, donc les gardiens qui sont des prisonniers, c'est eux qui les choisissent. Comment ils les choisissent? D'une façon générale, ils prennent les plus gros, les plus agressifs. Souvent, ce sont d'anciens ce sont des meurtriers. Les plus dangereux. Les plus dangereux, littéralement. Littéralement. Mais en même temps, il faut qu'ils leur fassent confiance parce qu'ils vont les armer. Donc, ces gens-là se promènent avec des carabines, soit des fusils ou des carabines de calibre .30. Donc, ils sont armés, ils ont souvent soit un cheval ou une mule, donc ça leur permet de voir autour d'eux, de voir les gens qui travaillent dans les champs. On calcule que ça prend environ 6 gardes pour une centaine de prisonniers qui travaillent dans les champs. C'est eux donc qui décident à quel moment est-ce qu'un prisonnier est rendu trop loin. Donc, c'est-à-dire que si un des prisonniers s'éloigne du reste du groupe pour toutes sortes de raisons, peut-être pour s'échapper, mais il va tirer un coup dans les airs. Si, finalement, la personne essaie de sauver, là, il a le droit de tirer dessus. Ils ont droit de vie ou de mort, littéralement, carrément, sur les prisonniers. Ce qui ouvre la porte, évidemment, à une série d'abus physiques, psychologiques, etc. En même temps, ces gens-là sont parfois récompensés lorsqu'ils arrêtent une évasion. Oui. Des fois, même leur peine est commuée ou sinon réduite. Donc, on s'entend qu'entre une vraie évasion arrêtée et une fausse évasion imaginée, une fois que la personne a été tuée, bien évidemment, tout est une question d'interprétation. Donc, il y a cette espèce de système-là qui engendre l'agressivité puis de la violence. À un moment donné, le directeur de la prison décide de mettre fin à ce système-là. Et donc, les gardiens prisonniers décident d'entrer plus ou moins en grève. Et là, le nombre d'évasions augmente en flèche. Et donc, il remet en place ce système-là. Ça vous donne une idée de la force de ces gens-là à l'intérieur du système. Grand, grand pouvoir. Encore une fois, pouvoir de vie ou de mort. Ils ne se priveront pas. Les sévices infligés, vraiment, il y a toute une panoplie, mais ça peut être le viol. C'est pas les seuls, par ailleurs, les trustees, parce que sous les trustees, il y a une autre catégorie, un autre échelon, les contremaîtres. Eux aussi se privent pas de certains sévices. C'est eux qui sont les maîtres du fouet. Oui, effectivement. Donc, ils s'occupent du rendement des prisonniers directement dans les champs. Donc, ils peuvent effectivement leur donner des châtiments corporels. C'est eux qui règlent les conflits entre les prisonniers. Si c'est trop violent, on va les laisser se battre, puis après ça, on va les séparer. Mais oui, c'est eux qui maintiennent la productivité et on ne veut pas de gens qui ne font rien, donc on les pousse. Juste en dessous de ces gens-là, très proches, il y avait ceux qui chantaient, donc ce qu'on appelait en anglais des « callers », donc des gens qui chantaient les chansons, qui tenaient le rythme de la production, donc qui favorisaient le travail. Just give me light this morning down on Parchment Falls. Just give me life this morning down on Parchment Falls. I would hate it so bad, but I live with my wife and mom. Oh, goodbye, wife, all you have done gone. Oh, goodbye, wife, all you have done gone. But I hope someday you will hear my lonesome song. Chanson Parchment Farm Blues, chantée par Booker T. Washington de son vrai nom. Ça fait partie, la musique, le blues en particulier, de l'histoire de Parchment Farm, Francis Langlois. Bien, en fait, le blues vient des chants, des anciens chants d'esclaves qu'on chantait pendant la période esclavagiste. Puis bon, ça s'est transformé. Éventuellement, effectivement, le blues s'est retrouvé au sud et là, évidemment, a percolé jusqu'à Parchment Farm. Booker T. Washington, qui est un bluesman qui était déjà connu à ce moment-là, il avait déjà chanté, avait été arrêté pour avoir tué quelqu'un. Et donc, s'était retrouvé à Parchment Farm. Et donc, il a rédigé cette chanson-là qui a été entendue, même qui a été, comment je pourrais dire, enregistrée par John Lomax, qui est un musicologue qui a fait le tour du Sud, mais aussi des institutions pénitentiaires un peu partout, et qui a enregistré les chanteurs, les chansons, et qui a permis de les garder. Puis maintenant, on les a encore. Son fils, d'ailleurs, Alan Lomax, a fait la même chose aussi un peu partout. Là. Donc, si ça vous intéresse, c'est trouvable. Il y a eu des enregistrements. Il a documenté, lui, Lomax et son fils ont documenté cette vie du Sud, cette musique noire du Sud des États-Unis, dans les prisons, dans les champs, dans les plantations. Dans les années 60, il y a quelques centaines de membres des Freedom Riders qui vont se retrouver à Parchment Farm. Ça va être important dans l'histoire de la prison. Qui sont ces Freedom Riders, Francis Langlois, puis dans quel contexte ils sont incarcérés à Parchment Farm? Donc, les Freedom Riders, c'est un phénomène qui s'est développé à la fin des années 50, mais surtout dans les années 60. Ce sont des gens qui souvent venaient du Nord et venaient faire avancer la cause des droits civiques au sud. Donc, on voulait mettre fin à la ségrégation, aux lois de Jim Crow, puis toutes ces choses-là. Et donc, on provoquait un peu les autorités en faisant des manifestations ou en organisant des groupes d'Afro-Américains qui allaient s'asseoir dans des restaurants, par exemple, ce qu'on appelle des sit-ins, des restaurants réservés aux Blancs. Donc, c'est le genre de choses qu'on faisait. Évidemment, les autorités n'étaient pas particulièrement chaudes à l'idée d'organiser ce genre de manifestations-là. Et, bon, évidemment, partout, mais particulièrement au Mississippi, donc on les a arrêtés. Ouais. Et certains d'entre eux se sont retrouvés, effectivement, à Parchment. Mais étant donné la réputation de la prison... Le gouverneur de l'époque avait décidé lui-même d'aller visiter la prison pour être sûr que ces gens-là, comme il le disait, on pouvait briser leur esprit, mais pas leurs os. Ouais. Donc, ça vous donne une idée à quel point lui-même ne faisait pas confiance aux gardiens. Donc, il est allé leur parler, ouais. savoir s'ils vont bien physiquement, évidemment. Parce que le contexte des années 60, cette revendication du mouvement noir pour l'égalité de ses droits, et donc le fait que ces Freedom Riders, qui sont des activistes, se retrouvent là, inévitablement, ça fait qu'on va tout à coup s'intéresser, Parchment Farm, on va prendre connaissance dans l'espace public de l'existence de cette prison-là, en tout cas plus que jamais, et on va voir ce qui se passe là. Et ça va faire qu'un avocat, on l'entendait au tout début de l'émission, mm-hmm. mais Roy Eber, va se retrouver à Parchment Farm. Il va jouer un rôle déterminant dans ce que deviendra la prison. On écoute Lillian Cunningham raconter comment il en vient, Roy Eber, à s'intéresser à la prison de Parchment Farm. Extrait d'un balado du Washington Post réalisé en 2017. Ça s'appelle Constitutional. Vous allez y entendre donc la réalisatrice du balado, Lillian Cunningham, et Roy Eber lui-même. When that young civil rights lawyer Roy Eber first showed up at Parchment, la première fois que le jeune avocat en droit civil Roy Eber est allé à Parchment, il rendait visite au détenu Matthew Winter, condamné pour meurtre. And the reason for my going to the prison was to meet with Matthew and discuss his case and Je me rendais à la prison pour discuter avec Matthew de son cas afin de voir s'il avait été mal représenté durant son procès et si la condamnation devait être annulée. But in the course of meeting with Winter and seeing the inside of Parchment firsthand, mais au cours de la rencontre avec Winter et en voyant Parchment de ses propres yeux, Roy Eber s'est mis à entendre d'autres histoires. Who had been shot by a guard for resisting rape. Il entendit parler de Jesse Hayes, abattu par un garde pour avoir résisté à son viol. De Walter Nathan, menotté et pendu à un arbre. In a push-up position while a guard shot above and below him. De Donald Waldy, qui devait faire des pompes alors qu'un garde tirait des balles au-dessus et en dessous de lui. Et il entendit de nombreuses histoires de prisonniers tués par ceux qui avaient pour mandat de les surveiller. Cette visite de Roy Eber à Parchment Farm, c'est vraiment, Francis Langlois, un point tournant très, très important dans l'histoire de la prison. Pourquoi? Eber s'en va là pour aider un homme qui considère qu'il a eu une sentence trop dure et qui n'a pas été capable de se défendre convenablement. Et finalement, lorsqu'il arrive là, bien évidemment, il rencontre cet homme-là, mais il se rend compte des conditions épouvantables de vie et surtout de la violence qu'il y a dans la prison. Et même lui se sent agressé lorsqu'il ouais. arrive. Et il raconte une histoire, hein, lorsqu'un de ses associés va aux toilettes après avoir écouté des prisonniers, il entend un garde charger son arme derrière lui et ils se sont dit « OK, plus jamais on va aux toilettes tout seul ouais. au cas qu'il y ait un accident. Ouais. » Donc, il y a un déclic, évidemment, qui fait que ce qui devait être la défense d'un seul détenu va devenir la défense de l'ensemble de ces détenus qui subissent un traitement cruel, inadmissible, inconstitutionnel, va prétendre Roy Eber, puis il va avoir raison. Il va porter cette affaire-là, puis ça va faire jurisprudence. Ça va devenir une cause célèbre, la cause Gates contre Collier. On écoute justement à nouveau Lillian Cunningham parler en fait de l'importance que va avoir cette cause. It was ultimately here at Parchment in 1972. C'était à Parchment Farm en 1972 qu'est survenu le célèbre cas Gates contre Collier. Gates étant Nazareth Gates, un prisonnier qui portait plainte en justice contre John Collier, le surveillant en chef de la prison. It was really the first significant case to consider what rights you have when serving time for a crime. Pour une première fois, la justice devait se prononcer sur les droits des détenus. On voulait savoir si les conditions de détention à Parchment étaient constitutionnelles, si les coups de fouet, la ségrégation, le travail forcé et les conditions de vie abominables qui rappelaient le Sud d'avant la guerre civile étaient compatibles avec la notion de punition cruelle et inhabituelle du 20e siècle. Sur quoi va porter cette fameuse cause Gates contre Collier d'abord, Francis Langlois? Le 8e amendement de la Constitution dit qu'on ne peut pas soumettre des prisonniers à un traitement qui serait cruel ou non usuel. Ouais. On ne peut pas non plus donner des amendes exorbitantes à des gens. Et les conditions de vie étaient évidentes. Évidemment, étaient des conditions de vie qui étaient cruelles et non usuelles. Ouais. Et donc... Eber s'en rend compte immédiatement. Il se dit, je vais être capable, en utilisant le 8e amendement, de pousser une cause jusque-là. Et donc, à partir de ce moment-là, il va aller chercher les témoignages de plusieurs prisonniers qui vont lui raconter des horreurs. Et en plus, il va pouvoir documenter exactement ce qui se passe autour de lui. Là, c'est assez facile à voir de toute façon. Oui. Et donc, il y aura un jugement favorable en Cour fédérale qui va obliger, en fait, la prison de Parchment Farm à cesser. Ça, on leur donne quand même le temps de s'ajuster, mais c'est la fin de ce système-là. À Parchment Farm et dans d'autres prisons aussi. Absolument. Donc, à partir de ce moment-là, on va même créer un département des affaires correctionnelles, ce qui est déjà une avancée. On va mettre fin au système de trustee, hein, donc de garde prisonnier. Mais il faut le dire, on vous disait lentement, vous êtes poli, parce qu'en fait, ça s'est fait difficilement dans la mesure où est-ce qu'au début, quand les autorités de la prison reçoivent l'ordre du juge de mettre fin à tout ça, ce qu'ils disent, OK, parfait, donc on va cesser la ségrégation entre les groupes raciaux, par exemple. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un blanc, on le met au milieu des Afro-Américains et on fait l'inverse. Et ces gens-là se font battre comme c'est pas possible. Et on fait exprès, là. On crée des situations conflictuelles, vraiment, puis bon, ça polarise les habitants de la prison. Ceci étant dit, oui, effectivement, ça va être fait. On va mettre fin au système de travail pour l'État, donc cette nouvelle forme d'esclavagisme, disons, d'État. Ouais. Et maintenant, on loue les terres à des fermiers... tout à fait ordinaire, là, qui continue à travailler sur ces terres-là, qui sont extrêmement riches. Les terres de Parchment Farm, parce que, et on termine là-dessus, elle existe toujours, cette prison-là. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Eh bien, c'est un pénitencier où se trouvent grosso modo 5 000 prisonniers. Les conditions de vie sont certainement meilleures que celles donc sous l'Ancien Régime, mais ça reste difficile comme dans toutes les prisons. Et c'est l'État du Mississippi est encore très polarisé d'un point de vue racial, et donc l'essentiel des détenus sont des Afro-Américains. C'est pas facile de changer ces choses-là et on a encore les traces de Parchment. Francis Langlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Merci beaucoup, Francis. Toujours un plaisir, Jacques. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc, recherche d'archives Sophie Gibson, au site Internet Christian Côté, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. I'm down on no,